Le président Ablaye Wade. Nous allons donner la parole au président Ablaye Wade. Tous les regards sont tournés vers le président Ablaye Wade. Maître Ablaye Wade. Tous les regards sont tournés vers le président Ablaye Wade. Madame Viviane Wade, la grande combattante. Président, tous les regards sont tournés vers vous. Toutes les oreilles sont ouvertes, grandement ouvertes. Président, le Sénégal vous écoute, le monde entier vous écoute. Président, vous êtes la voix du peuple. Président, yow le réew mi yakar, réew mang lay déglou. Adna bang lay déglou. Vive le président Ablaye Wade. Jërëjëf. Mbokk Sénégal. Assalamu alaikum mbokk Sénégal. Maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk di tur ak sa sant. Xoolal ni ngay def. Mbokk Sénégal. Ci bes yi je comprends votre ferveur, mais restez un peu, calmez-vous. Je comprends votre ferveur, mais calmez-vous. Vous allez tout entendre, parce que je vais répondre à toutes les questions. Sénégalaises, Sénégalais, le 25 avril 2014, lorsque je suis rentré au Sénégal après 2 ans de l'absence, les observateurs ont dit que j'ai été reçu par 3 millions de Sénégalais de l'aéroport à mon domicile. Quelques jours après, à Touba, ils étaient 5 millions. Aujourd'hui, je ne sais pas combien vous êtes, parce que quand je regarde devant moi, je vois des Sénégalais jusqu'au bout de l'allée du centenaire. Quand je regarde les deux rues adjacentes, il y a du monde jusqu'à l'horizon et de l'autre côté. Êtes-vous des centaines de milliers? Êtes-vous des millions? Je ne saurais le dire. Sénégalais, Sénégalais, ce jour-là, votre présence avait une signification, plusieurs significations. Certes, vous êtes venu à cause du sentiment que vous avez à mon égard. Puisque je suis sûr que je suis dans le cœur de presque tous les Sénégalais. Je dis presque. Mais vous êtes venu aussi pour dire quelque chose. Vous ne l'avez pas dit, vous l'avez montré par votre présence, par l'expression de vos visages tendus vers moi. Cela voulait dire tout l'espoir que vous placez en moi pour vous sortir de cette affreuse situation dans laquelle vous êtes. Sénégalaise, Sénégalais, notre pays a rétrogradé depuis que je suis parti. Pour me résumer, il n'y a pas d'emploi, les jeunes sont en chômage. La belle université que j'avais laissée avec des étudiants qui étudiaient est complètement détruite. L'enseignement est détruit. Les élèves traînent dans les rues. Les paysans sont désespérés. On a enlevé tout ce que je leur avais donné. Et même des véhicules de travail. Les chefs religieux ne sont plus respectés. Les chefs de village que je voulais relever au niveau de représentants de l'administration au niveau des populations, on les a ravalés à rien. Si je prends les mécaniciens, quand ils sont ici aujourd'hui, le lendemain, on les jette à 1 kilomètre. On détruit les étals des marchands. On poursuit les marchands ambulants. Alors que leur fonction, c'est justement de se déplacer pour vivre, pour vendre et vivre. Mais ça, c'est mieux que d'aller fumer le yamba ou faire autre chose. Donc, ce sont des métiers respectables. Il faut plutôt les aider à moderniser leurs étals plutôt que de leur lancer les gendarmes. Vous allez dans la grande Chine, vous allez en Inde, mais tous ces pays, ils ont leurs marchands ambulants, mais on s'est occupé d'eux, on les a plus ou moins stabilisés. Ici au Sénégal, on fait reculer les problèmes, on ne les résout pas et on les retrouve devant soi. La situation du Sénégal est caractérisée aussi par le fait qu'il n'y a plus d'argent. Les commerçants ne peuvent pas vendre et les acheteurs ne peuvent plus acheter. Donc, le système est bloqué. Sur le plan des droits de l'homme, Le Sénégal vit chaque jour la violation des droits de l'homme, des libertés pour lesquelles vos grands-pères et nos ancêtres se sont battus. 27 Sénégalais ne peuvent pas sortir du pays. Pourquoi? Personne ne sait. On prend des gens, on les met en prison et on cherche à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. On cherche des preuves. Comme disait l'adjudant militaire, on cherche des motifs pour leur coller. Pour les motifs. On enferme des gens sans preuve. C'est le cas de Karim Wade et de ses amis. C'est-à-dire les Bibo Bourgi, les Mamadou Pouy et tant d'autres. Aucun membre du Le président ne parle plus là, voilà ce qu'il a fait. Et on les garde quand même en prison. C'était tellement juste qu'on l'appelait la justice. Aujourd'hui, elle est sous influence. Certes, il y a des magistrats honnêtes. Qu'on ne peut pas influencer. Je leur rends hommage ici. Mais il y a des magistrats qui cherchent à deviner ce qui ferait plaisir à Macky et qui le font. Et parfois, ils vont même plus loin que ce que veut Macky. Du point de vue, donc, de la politique, voilà la situation. On ne peut plus faire une opposition normale. Pour ce gouvernement, pour Macky Sall, l'opposition n'a qu'à se taire. Rester sur une place, ne pas faire de meeting. Or, l'opposition, c'est pour s'opposer en faisant des marches et en faisant des meetings. C'est ça l'opposition. Tout à l'heure, quand j'ai voulu venir ici, ils ont mis les gendarmes, les forces de l'ordre, pour m'empêcher de passer, parce qu'ils m'ont dit que je ne passerai pas devant l'université Cheikh Anta Diop. Nous sommes passés. Finalement, ils nous ont laissé passer. Quand nous sommes arrivés à la poste de Médine, ils ont tout barré parce qu'ils craignaient que nous allions au palais. Lorsque nous sommes arrivés à la radio, en venant ici, nous avons vu qu'ils avaient mis un dispositif de policiers armés qui ne faisait pas face à nous qui venions, mais ils faisaient face éventuellement à des gens qui viendraient ici. Parce qu'ils se mettent aussi dans la tête qu'après le meeting, on va au palais. Sur ce plan-là, je voudrais dire à Macky Sall une chose. Si à mon arrivée, avec les millions de gens qui m'ont attendu jusqu'à 4 heures du matin, je voulais faire une marche sur le palais, je l'aurais fait. Si aujourd'hui, nous qui sommes là, je décrète que nous allons passer la nuit au palais, nous irons au palais. Que Macky Sall entende bien ça. Alors, mais, s'il vous plaît, mais, parce que, il n'y a pas de force de l'ordre, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas d'armée qui peut s'opposer à une masse pareille. À moins de les tuer tous. Donc, que Macky Sall me comprenne bien. Je n'ai pas l'intention de faire un coup d'État. Je n'ai pas l'intention d'envahir le palais pour le mettre à la porte. Mais je peux le faire, mais je ne veux pas le faire. Je vous dirai tout à l'heure ce que j'attends de lui. Aujourd'hui, que la famine s'est emparée de notre pays, nous devons rechercher les solutions. Macky Sall a déclenché, en suivant certains de ses conseillers, la traque des biens mal acquis. On lui a dit, vous savez, les gens de Ouad, ils ont des milliards en France, aux États-Unis, dans les îles Vierges. Il suffit de le demander. La France, les États-Unis vont vous aider et avec ces milliards, vous allez respecter les promesses que vous avez faites aux Sénégalais. À l'époque, je lui ai répondu, parce qu'il m'avait écrit, pour lui dire, Macky, il n'y a pas de milliards. Ces gens qui t'ont dit ça, ils t'ont trompé. S'il y avait des milliards, je serais allé les chercher avant toi. Les gens te trompent. Il n'a qu'à prendre la radio et la télévision et dire que ça, je ne lui ai pas dit. Je lui ai dit ça dans une lettre. Je lui ai dit, ces gens te trompent. Ils te font croire des choses qui n'existent pas. Cherchez, vous ne trouverez rien. Parce qu'il a cherché. Parce que ce coup-là, il l'avait fait à l'époque de Senghor, les gens l'avaient fait, en lui disant qu'il y avait 34 milliards qui étaient aux États-Unis ou en France, etc. etc. Il n'y a rien, ça n'existe pas. Moi, je ne parle pas des privés, mais je parle des ministres. Je parle des ministres et des agents de l'État. Ils n'ont pas... Mais quand tu n'as pas de milliards entre les mains, où est-ce que tu veux les prendre? Donc, je lui ai dit, les gens se trompent. Il ne m'a pas écouté. Il a envoyé une trentaine de commissions rogatoires à travers le monde. Il a envoyé des commissions, des missions de policiers et tout. Il a employé des étrangers. Ils ont cherché partout, zéro, nada. Au dernier moment, ils ont inventé une histoire de Singapour. en disant il y a 47 milliards. Ils n'ont même pas notifié à Karim. On dit que vous avez 47 milliards à Singapour, expliquez-vous. Même pas. Ils ont commencé directement devant le tribunal. Maintenant, sans rien te dire, on t'amène devant le juge. Donc, c'est parce qu'ils sont désespérés. Ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. J'ai dit ces jours-ci que Macky a dit à des gens en France et ici qu'il a cherché partout et qu'il n'a rien trouvé contre Karim. Pourquoi il n'a pas trouvé contre Karim? Je vais vous le dire. Ils ont cherché mes comptes. Ils ont cherché à savoir s'ils avaient des immeubles ou si Karim avait des immeubles. La police française s'est lancée là-dedans. Les Américains aussi, ils n'ont rien trouvé. Pourquoi? Mais parce que moi, avant d'être président, je savais, s'il vous plaît, avant d'être président, je savais que le jour où je ne le serai plus, ils vont sur mes traces pour savoir ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Je le savais à l'avance, 12 ans à l'avance. Senghor avait l'habitude de dire un homme prévu en vaut deux. C'est pourquoi même mes fonds politiques qui sont votés par l'Assemblée nationale, que personne n'a le droit de contrôler, qui sont ma propriété personnelle, même ça, je les ai donnés aux Sénégalais. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je vous ai donné cet argent. Je l'ai distribué en me disant, le jour où je quitterai mes pouvoirs, mes fonctions, je sortirai du palais sans argent. Je suis sorti avec 700 000 francs CFA. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je suis quand même fondamentalement sénégalais. Je connais des gens. Je connais des gens si mauvais que de toute façon, ils vont regarder partout pour trouver quelque chose contre moi. Je me suis dit, je ne vais pas leur donner l'occasion. Ils sont allés en France. Ils ont allé dans les services. Ils ont porté plainte contre moi. Contre Karim, le procureur général de Paris a lancé toute sa police, ses agents de renseignement pour chercher. Le rapport qu'ils ont donné, on n'a rien trouvé. Ni on n'a trouvé aucun immeuble qui porte le nom de Abdoulaye Wade ou Karim Wade. On n'a trouvé aucun compte en banque renfermant de l'argent appartenant à l'État du Sénégal. Et le procureur a écrit une lettre. Messieurs les journalistes, si vous voulez, je vous donne la lettre demain. Pour dire, on a cherché, il n'y a rien. Ce dossier, je le classe dans le site. Ça veut dire que je me... Voilà comment ça a fini cette histoire. Pour vous dire que moi, avant d'être politicien, vous savez que j'avais l'un des plus grands cabinets d'avocats du Sénégal. Et après ma sortie aussi, aujourd'hui, Je suis sollicité par des organisations internationales et par des pays pour aller les aider à faire ce que j'ai fait au Sénégal. Et ils me paieront. Donc, je n'ai pas besoin de l'argent du Sénégal. Alors, de sorte que la traque des biens mal acquis a conduit à Macky Sall dans une situation insoluble. Il voudrait bien sortir Karim, mais il dit, si je sors Karim, c'est la catastrophe. Si je le laisse en prison, c'est aussi la catastrophe. Alors, mais ces partisans sont venus me voir pour me dire Néna, de vos bougies, Bounti Boumoudiar pour Baye Karim. Manako Bounti Bigana Yombo, moi, le ministre de la Justice, moi, qui habite prison, ne vous oubliez pas que vous êtes. Voyez-nous, bataille, je vous le dis, dina ko won bataille, dina ko won yoonu jam li muy ragal du ci am mu genné ki nga xamni mom ci bam xamna ni deful dara ak ñi nga xamni ñom la andal ak ñi nga xamni ñu leen lawale duggal ci biir muy Aziz Diop ak Aïda Ndiong amé lu len dara du fonctionnaire lu dara lu do Khalifa Abdoulaye Wade da fay liggéey di am xalifam ci dal ma dum jëmele ma ñew nak ci ay problème yo xamni réew mi ñu koy wax affaireu xalif ma ñew ci affaireu ma ñew ci affaireu mital Lakshmi Mittal, mi ngi di deglu engineer lui wen ci aduna presque mo koy contrôler du ko jay chinois yi mo am ben société bu fi ñew jogé Afrique du Sud ci jamono bobu xam ngeen wen di nek Sénégal oriental ya gëna fi toujours imam toujours mais quel mesure qu'on m'a exploité parce que Dieu vous vient de souffrir on quand que nous fait qui si famille moi un petit coup comme ça m'a arrêté là moi même nous filialou Oppenheimer de nous beaucoup mieux revu nous exploiter quoi dans le numéro donnez-nous l'un de 500 millions etc. Bon, Khamenei, Warna Lolo, qui, mois de mai ou juin, Mittal, Mingeni Degu, Moudegu Lolo, il a fait au Sénégal, Bidei, Légu Mouamgeri. Moudani Mouki, Mereso Varko. Munema nangul contrat bi nga jox Kumba société bele Kumba la tuddu nanguko bo mako joxe man dana la jox 1 milliard de dollars mako jox Sénégal man dana la tabaxal chemin de fer bu joge Kédougou dem ba port ba Saint-Loup man dana tabax port bo xamni sama port rek lay don pour évacuer le minerai tabax chemin de fer maneko djel xeer yi yobou baxna waye nang ko def transformation manam ngeen liggey ko ba gene wengi fi Sénégal comme ça sénégalais man ci am liggey manama d'accord maneko kon nak fonga def li ñu wax chirurgie manama d'accord na maneko fonga def fi école des mines parce que école des mines bo demé Paris ci grande 5 grande école yi ci la bok té ñun amuñu kenn ku spécialisé ci mine xamé wuñu xéru xéru wala wala biñu melna man

Sénégal amna dugg légui nak dem len ngeen fet avocat yi dommage ndam pay Sénégal namu wara tollu ngeen ñew wax nu ñoo ñu dëgguñu sax Macky Sall mi fekk man nak ma genn ci pouvoir Macky Sall ñew dal li fa yone ñu len mom dafa bëgg suspendre projet bi ci digënté bi tribunal bi pour xam Sénégal lan la ko métal yakal mu désigner expert bo xamni mi ngi tuddu cabinet du Sauson Colorado bindu len ko ñen sét ko ci internet du Sauson Colorado cabinet bobo bo mu gëstu affaire mu ne ñaari mil rek boko jarté métal amel na Sénégal 1 milliard 960 et quelques millions de dollars muy 1 milliard CFA muy 1000 milliards CFA mille milliards c'est vrai. Alors bamou ko defé Macky Sall dem jël awakam ñu nañu arrêté lepp mom waxul ci lolu dara nako métal jox xaliss rek ñu arrêté ko bamou démé défar mu jël avocat bi ñu défar sen accord yobu dem ci tribunal ba ñu ko ñun xam ñu leen ñun met bourgeois lañu xam ñu dal difa joge dem signé séni kay ñu wo agent judiciaire de l'état bi fi nek jigen la ngeen xamni jigen baxna ci rew bañu ko joxé dossier bi ni ko nako signé mune duma ko signé dafa lank ñu duko signé ñu dal li jël dossier ba la xamni €50 million lañ ca def $150 million ñu wo alim yu yaay mi wax signé ko ko té mo xam na né amul signature Sénégal kenn rek mo fi am signature tribunal muy l'agent judiciaire de l'état kenen ku fi ci le président rabbi akou mandron amul ben ngari alors Macky signalé au ministre des Finances pour le gouvernement. Métal, Johlène Khalis. N'y a pas de Johlène Khalis, Anna Khalis. Si vous avez dit que le renseignement est maudit, Métal devait décider, si le conseil d'administration, nous avons donné $250 million. Muy ñaari témèr milliard ak ñaar fuk ak jurum té lolu mo nekk ci procès verbal du conseil d'administration motax ñi wax rapport conseil d'administration bi nañu gënné contrat biñu signé ak métal contrat bi contrat Sénégal la dañu ko war def ci journal officiel gëné ko ci journaux yi dox journaliste yépp mu xol ko dañu ko gëné lolu bokk na ci suñu revendication contrat biñu signé ñom ak métal ñu gën ko xol ko sét ndax déppo na ak ba nga xam mom lañu déposé Paris waaw métal ni mom ñaar $250 million la joxé waye 250 milliards yoy ñu né 50 millions yi métal lamu fa liggéey sax yi mu gassal yoy dal lañu ko koy basalel bayyi ko non mu dé xam nga 200 milliards mo warona ex Sénégal waye ñom ci seen bop dengel ñu wax 150 milliards lañu def waaw 150 millions de dollars kon nak 50 millions de dollars yi ci def mu tax na tuuf de mu ne 50 milliards ñu ne 75 milliards non 75 milliards c'est vrai man je parle en termes de dollars 150 millions de dollars lañu wax ni mom lañu jot or 100 millions de dollars mo fi exi ci duñu wax 50 millions ken xamul fi jaar nañu wax mu jaar ci 100 millions de dollars yi nga xamni sax exi no né nañu exi no dañu ko waron def ci loi de finance wax député yi naka lañu koy utiliser ñu né ni ak ni ak ni su ko defé ñu xam fu xaliss ba jaar mais bëf bi mu nek xamnu ko dégg na ñu né 40 milliards rek lañu def ci loi de finance donc il y a trop d'obscurité il y a trop d'affaires yo xamni war nañu ko léral ma ñëw ci affaire pétrole bi du ma ci soré lén rek la ci xam wax lo xamni kenn du ko wéy Aliou Sall di frère Macky ñu jox ko permis exploitation pétrole exploration Saint-Louis et Kaya mu dem and ak ay ñeneen ba bit ñu rew ñoña sax seen liggéey moy pétrole ñoña jottu ñom dara mais société bobu dañu leen may permis lo xamni 200 milliards de dollars moy valeurum ali société bañu defar ali sal dañu ko ci jox 30% jox waaje 60% jox état du sénégal 10% ko ali sal moy kan bañu koy jox 30% 30% yoyu oui absolument 30% yoyu 60 milliards Ali Sall action yi mo am ci société bi bu ko neexone euleuk mu dem New York wala Toronto wala fu am bourse rek mu jaay ko fo dem xaliss ci fosum te mom du pétrolier du logo qualité rek modi frère Macky Sall lolou da ngeen wax ni satchi la do confirmer nako luta parce que bu nit jele alalam def ci coffream tej ko nga ñew tiju ko jël ko du lolou mo satchi Sénégal ci biir suusi la denc alalam muy pétrole bi ak yoyu soo ko gasé nga jël ko te amulo ci droit loi joxulu ko kenn joxulu ko sàcc nga loolu itam ñun porté nañu ko plainte te dama leen di xamal ni li ma wax yëpp ñun front bi porté nañu plainte lii yëpp danañu ko yóbbu tribunal du Sénégal ak tribunal du Paris ñu atté ko bu soobee yàlla dañuy wa de wonam ci alors donc ma ngi jëm ci bëgg yégalé dama bëgg Aliou Sall 30% yi mu yor ñu nangu ko jox ko état bi comme ça état bi yor 40% légui ma ñëw ci élection présidentielle yi di xawma élection anticipée lay doon xawma élection 2017 élection yoyu ñom ñu koy paré té Macky néna bëggul dal Karim nek adversaire am waye man dama yaakar ni Macky Sall dootul bok ci ben élection présidentielle du Sénégal té élection 2017 bu ci démé it dinañu ko battre à perte couture comme jamais candidat n'a été battu. Ma wax ni naka la ñuy def nak ñun sénégalais question bi fondamentale bi ngeen ma laaj pour ñu genn ci situation bi auparavant ci dafa am lu leen bëgg annoncer dama leen bu wax ben information bu jëm ci journaliste yi couvrir discours bi maître Wade wax yépp bind nañ ko ci teyit. Donc bala mo jéxal dañ leen ko distribuer responsable na ak ñeneen ñi nak nañu dem permanence moy quartier général ci bérène ba nañ ko ba jël ci Kara jërëjël ñëpp président Kone. Bon légui lima bëgg wax moori francophonie bi mi ngi dik ma nous on ne veut pas troubler la francophonie. Je salue les chefs d'État qui vont venir ici. Ils seront reçus par l'opposition et par le pouvoir. Parce que Sénégal, Macky Sall, momuko, man momumoko. Dama waxone ni nak Macky Sall suma defé meeting bi dina ko may ñetti fan 72 heures pour question yi ma soulevé yépp mu bind tontu li dox mako def ko ci radio ak télévision ñepp dégg ko. Su ko defé tontu li mu tontu ma dajalé waat nit ñi ñi leen lii la Macky Sall tontu yéen a xam nag lu ngeen di def konte nag léegi dama wax ni 72 heures man koy def après la francophonie dana fixé bés bo xamni ci lañuy dajé wat fi mané len wala tontu Macky Sall. Légui lima bëgg wax ci lolu yépp ci situation réew mi bu ñu sété li nga xamni mom le sénégalais yi bëgg ci bëgg ko modi Macky Sall na bayyi Macky Sall na dem yaq na réew mi jëm na manul réew mi di gën a yàqu na bayyi ci jàmm dem ci jàmm. Bu ko defulee nag man nit ñi maa leen téye bu ko defulee ci li nga xam ni nit ñi moom la ñu bëgg man ma wax ko sama lamiñ ñi ko nit ñi li la ñu bëgg moom defu ko bu boobaa nit ñi la koy digaleel lu man. Macky Sall bu bayyi woon tey mu am courage li ñuy wax ak njàmbaar ba ne dëgg mënatuma dem bàyyi naa. Su ko defee ñu def benn commission de transition boo xam ni moo yor réew mi ñu def élection bi gën a jege ci le 29 juin 2015 voilà le 6 décembre 2015. Élection 2015. Élection 2015. Élection 2015. Élection 2015. Léguinap, ki limay jéxalé moy yéna ni won s'il vous plaît, alors donc yéna ma ni won na ñeu wax len won len yoon wunu wara jaar ba génn ci situation bi yoon woowu moo di yoon yu nu war a jaar ba Macky Sall dem bàyyi ñu ñu defar commission de transition defar élection def ci beneen président. Ma terminé pour wax leen ni ñii ngeen fi ñëwee ci jàmm dara bant damul dara yàqul ngeen defaleen ma ko ba ma fi ñëwee ci le 25 bi ngeen di ñëw ak bi ngeen di ñibbi ngeen defal ma ko tey bi ngeen di ñëw fii loolu moo may may pouvoir ak considération bu ma mën a waxe ci seen tour. Ma bëgg ngeen ñibbi tranquillement ku nekk nga dem sa kër bu bant damm bu oto yi toj bu leen yàq dara yéen les forces de l'ordre policiers gendarmes yéen ngi may dégg de policiers gendarmes bu leen fi jéema dogale kenn di sànni ay grenade lacrymogène su ngeen ko defee lu mu jur ngeen xam ni yéen la bàyyi leen ñu tranquillement ñu ñibbi man nag dinaa leen woowaat bu francophonie bi weesee dinaa leen woowaat ci diggante bi dinaa nekk en contact avec Macky Sall lu mu ma tontu bu bés boobaa ma wax leen ko yéen ak yéen a xam lu ngeen di def. Wasalaamaaleykum.